son zèle pour ses clients. Son zèle et sa fidélité envers ses clients éclatèrent même dans sa jeunesse. Il défendit Masanta, jeune homme d'une naissance distinguée contre le roi Yemsal, et avec tant d'opiniâtreté que dans la chaleur de la discussion, il saisit par la barbe Juba, fils de ce roi. Après le jugement qu'il déclara à son client tributaire Yemsal, il l'arracha des mains de ceux qui l'entraînaient, et le cacha longtemps dans sa maison. Enfin, lorsqu'il partit pour l'Espagne, à l'issue de sa préture, il l'emmena dans sa litière, sous la protection de ses licteurs et des nombreux amis qui lui faisaient cortège.